Chapitre 10e, un lit de mort. Dans une belle chambre d'un somptueux hôtel de Birmingham, un vieillard se mourait. La plus grande partie de sa vie s'était passée dans les affaires. Il avait acquis une brillante position, mais ni le rang ni la fortune ne peuvent donner la paix sur un lit de mort, et le vieillard regrettait le passé. On était au milieu de l'hiver, non pas de celui qui devait suivre le départ dont nous avons parlé dans le dernier chapitre, mais de celui de l'année précédente. C'était un jour rude et glacial de janvier. Le feu brillait et les flocons de neige s'entassaient sur le rebord des fenêtres ou battaient les vitraux. La chambre était meublée avec toute l'élégance et le confort désirable, et cependant, le mourant couché sur son lit ne paraissait pas jouir du luxe qui l'entourait. Ses mains se crispaient, ses yeux regardaient fixement tomber la neige, mais il ne voyait pas. Son esprit se reportait en arrière. Qu'est-ce qui pouvait ainsi le troubler? Était-ce cette perte d'argent qui, 2 années auparavant, avait englouti la moitié de ses économies? Un mourant ne devait pas y songer. Il n'avait d'ailleurs ni fils ni fille pour héritier. Que murmure-t-il entre ses lèvres décolorées? Je vois. Je vois tout maintenant. Tant que nous avons la force, la santé, nous nous endormons dans notre égoïsme. Mais quand la mort arrive, nous nous réveillons en face de nos fautes, et la mort vient sur moi. Je vois les miennes. Pourquoi l'ai-je chassé? Il n'avait point de famille et je l'ai renvoyé lutter contre le monde ou mourir de faim. C'était l'unique enfant de ma sœur. Il s'en est allé. Elle et moi, nous avions eu le même père, la même mère. Nous avions partagé les mêmes repas, les mêmes jeux, les mêmes espérances. Elle m'a écrit avant de mourir pour me dire « Richard, la santé de mon mari est bien chancelante. Si mon pauvre enfant vient à perdre son père, sois son ami et son protecteur pour l'amour d'Hélène, et Dieu te bénira. » Et j'ai oublié sa prière quand son fils m'a offensé, et je l'ai chassé loin de moi. Aurais-je à en répondre? Cette dernière phrase s'échappa de ses lèvres avec un gémissement de douleur. Une femme qui sommeillait auprès du feu tressaillit. « Avez-vous appelé, monsieur ?»« Non. Sortez et laissez-moi. Mais sortez, vous dis-je, et laissez-moi » répéta-t-il avec force. Et la femme obéissa à la hâte quand il entr'ouvrit le rideau et la rappela. « Sont-ils arrivés ?»« Pas encore, monsieur. Mais avec une neige pareille, il ne faut pas s'en étonner. Les routes sont presque impraticables. » Elle sortit. Il retomba sur son oreiller, les yeux grands ouverts, mais toujours fixe et rêveur. « Vous avez sans doute reconnu en lui, monsieur Cooper, l'oncle qui avait banni Edgar Halliburton. » Richard Cooper était l'aîné de 3 enfants, Richard, Alfred et Hélène. Les 2 cadets s'étaient mariés, Richard était resté garçon. Le frère et la sœur étaient morts, laissant chacun un orphelin qui devait trouver un refuge dans la maison de Richard. Julia Cooper, la fille d'Alfred, fut la première à y venir, longtemps avant l'arrivée d'Edgar Halliburton. Hélène avait épousé le révérend William Halliburton et était morte au presbytère en envoyant son frère Richard le touchant message que nous lui avons vu répéter. Richard procura à son neveu et à sa nièce une existence relativement heureuse. Julia le quitta pour devenir la femme de M. Anthony Dare, notaire dans une ville éloignée, et c'était peu après le mariage de Julia qu'Edgar avait été renvoyé. Bien des années s'étaient écoulées depuis lors, et Richard Cooper, atteint par la mort, se repentait de sa dureté. Quel que soit le péché que nous ayons commis, quels que soient nos efforts pour l'oublier, sachant bien qu'à notre lit de mort, il reviendra nous hanter. Richard Cooper était couché. Qui sait s'il ne me reste plus de temps? Se dit-il subitement, et sa joue pâle se colora. Il étendit la main et tira si violemment la sonnette que 2 domestiques entrèrent à la fois. Que l'une de vous aille tout de suite chez M. Weston, le notaire, dit-il, ramenez-le avec vous. Dites-lui que je veux changer mon testament. N'y envoyez pas, allez-y vous-même, répéta-t-il avec angoisse, ramenez-le avec vous. L'entendez-vous? Comme l'écho de sa voix s'en allait mourant, on frappa lourdement la porte de la maison. Monsieur, cria l'un des domestiques, les voici. Il m'avait bien semblé entendre une voiture au milieu de la neige. Qui est là? Demanda le vieillard. Weston est-il arrivé? Non, monsieur, c'est monsieur et madame Dare, répondit la servante en sortant précipitamment. Un monsieur et une dame descendaient de voiture. Le monsieur était grand et bien fait, il avait la tournure distinguée, mais l'expression de sa physionomie ne plaisait pas. La dame, au rendez-belle aussi, avait un air impérieux qu'elle devait sans doute à son nez légèrement retroussé. Arrivons-nous à temps ? Demanda-t-elle à l'une des domestiques. C'est à peine si on peut le dire, madame, mais il s'est éveillé depuis une heure et il est très excité. Les docteurs avaient bien prévu que la léthargie ne durerait pas jusqu'à la fin. Ils entrèrent aussitôt dans la chambre du malade qui avait repris toute sa connaissance. Ses mains écartaient le rideau, ses yeux se fixaient sur la porte. « Pourquoi êtes-vous resté si longtemps ? » leur cria-t-il avec une force étonnante. « Cher oncle, » dit Madame Dare en se penchant sur le lit et serrant ses faibles mains, « nous sommes partis dès la réception de la lettre, mais les routes sont presque impraticables. »« Monsieur, » demanda tout bas une servante, « devons-nous aller chercher le notaire ?»« Non, c'est inutile, » répondit-il aussitôt. « Anthony Dare, vous êtes notaire, vous ferez ce que je veux aussi bien qu'un autre, voulez-vous »« Je suis tout à votre disposition, monsieur, » répondit monsieur Dare. « Alors asseyez-vous, et vous aussi, Julia. »« Vous devez avoir faim et soif, mais vous attendrez. La vie ne va pas vous quitter. Nous réglerons cette affaire afin que je puisse trouver le repos. Après cela, vous vous réconforterez avec ce qu'il y aura de meilleur dans la maison. Je souffre horriblement, Anthony Dare. » Madame Dare ôta ses fourrures et se mit à causer tout bas avec une domestique. Monsieur Dare restait debout auprès du lit. « J'en suis bien fâché, monsieur, » dit-il en réponse à la dernière phrase de Monsieur Cooper. « Les médecins ne peuvent-ils rien faire pour vous ?»« C'est une souffrance d'esprit et non de corps, Anthony Dare. Je vous ai fait chercher, vous et Julia, mais ce n'est que d'hier que je sais que la fin est si proche. »« Ah !» s'écria-t-il avec véhémence. « Ne commettez jamais d'injustice, ou bien sachez qu'elle viendra vous troubler sur votre lit de mort. » « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda M. Dare. « Ouvrez ce bureau. Vous y trouverez de quoi écrire. Julia, venez ici et veillez à ce que nous soyons seuls. » La domestique sortit, et Mme Dare, débarrassée de ses fourrures, s'approcha du lit. Elle portait une robe de satin bleu garnie de dentelles blanches, une lourde chaîne d'or et une parure d'améthyste. Mais ce riche costume paraissait bien déplacé dans cette chambre de maladie. L'après-midi touchait à sa fin. M. Dare se disposa à écrire sur une petite table près du moribond, puis regarda la fenêtre. « Je crois que je ne pourrais pas me passer de lumière, monsieur. Demandez-en, Julia, » dit le malade. On apporta la lampe et on la plaça de façon à ce qu'elle ne blessât pas ses yeux, qui allaient bientôt se fermer à toute lumière terrestre. M. Dare attendit, la plume à la main. « J'étais dur et injuste, » commença M. Cooper en joignant ses mains tremblantes. « J'étais inflexible et égoïste. » Et c'est ce qui m'ôte maintenant la paix. « Mais comment donc, cher oncle ?» demanda Madame Dare avec douceur. « Peut-être ferons-nous bien de remarquer que chaque fois que Madame Dare prenait un ton amical, on eût dit qu'elle parlait une langue étrangère. « Comment ? Mais envers Edgar Halliburton ?» répondit M. Cooper, et les gouttes de sueur s'abassaient sur son front. En cherchant à suivre la profession de son père, il ne faisait que son devoir. Je l'aurais compris moi-même, sans mon orgueil et mon obstination. J'ai eu tort de l'éloigner, j'ai eu tort de refuser de le voir, de me réconcilier. Écoutez-vous, Anthony Dare ? Certainement, monsieur. Julia, j'ai refusé de me réconcilier, j'ai renvoyé ses lettres sans les ouvrir, je l'ai traité avec mépris. Quand j'ai appris son mariage, je lui ai adressé les injures. J'ai insulté sa femme sans la connaître, mais je comprends mon erreur. La voyez-vous, Julia ? La voyez-vous, Anthony Dare ? Voudriez-vous le faire chercher, monsieur ? Suggéra M. Dare. Il est trop tard. Il n'arriverait pas à temps. Je ne sais pas non plus où il demeure. Le savez-vous, vous ? Elle regarda sa nièce. Oh non, cher oncle, répondit-elle avec un léger mouvement d'épaule, comme pour faire comprendre qu'il était au-dessous d'elle de connaître l'adresse d'Edgar Halliburton. Non, il n'arriverait pas à temps, répéta le mourant, tandis que Mme Dare essuyait son front humide. « Julia, Anthony, Anthony Dare, monsieur, écoutez-moi tous les deux. Je ne puis mourir sans réparer cette injustice. J'ai fait mon testament en faveur de Julia. Je lui ai tout donné, sauf quelques legs insignifiants à mes domestiques. La réalisation de mes propriétés se montra à 400 000 francs, et sans cette maudite spéculation, j'aurais eu près d'un million. » Il s'arrêta. Monsieur et Madame Dare se taisaient. « Vous êtes un homme de loi, Anthony. Vous pourriez dresser un autre testament, mais il est trop tard. »« Qu'est-ce qui a sombré la chambre ? » demanda-t-il brusquement. M. Dare leva les yeux. Rien n'obscurcissait la salle que l'ombre graduelle du soir. « Ma vue s'affaiblit, » dit le mourant. « Écoutez-moi, vous deux. Je vous ordonne à vous, Anthony et Julia Dare, de partager cette somme avec Edgar Halliburton. Donnez-lui sa part, un centime près. Le ferez-vous ? Oui, monsieur. Bien, je vous le recommande solennellement. Si vous voulez avoir la paix sur votre lit de mort, n'y manquez pas. Si vous ne le faisiez pas, cet argent vous porterait malheur. Rappelez-vous bien que Julia n'a droit qu'à la moitié de ma fortune. L'autre revient à Edgar Halliburton. Vous êtes mon exécuteur testamentaire, Anthony. Votre papier est-il prêt ? Oui, monsieur. Alors écrivez ce que je vais vous dicter et je signerai, moi, Richard Cooper. Je me repens de mon injustice à l'égard de mon cher neveu Edgar Halliburton et je désire, par mon dernier acte sur mon lit de mort, lui léguer la moitié de la fortune que je laisserai après moi. Je charge Anthony Dare, mon exécuteur testamentaire, d'accomplir ce vœu aussi rigoureusement que si la loi l'y contraignait. Je demande qu'à l'exception de mes legs à mes domestiques, tout ce qui m'appartient soit intégralement partagé entre mon neveu Edgar et ma nièce Julia. » Le mourant s'arrêta. « Je crois que c'est tout, » dit-il. « Avez-vous fini d'écrire, Anthony ?»« C'est fait, monsieur. Lisez-le-moi. » Monsieur Dare obéit, mais avant qu'il eût fini, le vieillard était tombé dans une espèce de somnolence. Ils se penchèrent sur lui, il se réveilla en sursaut. « Je ne puis mourir sans réparer cette injustice, » cria-t-il, oubliant ce qu'il venait de faire. « Anthony, votre femme n'a pas de droit sur ma fortune entière. J'en laisse la moitié, Edgar. Écrivez-le. » « C'est fait, monsieur. Voici le papier. Où, où ? Pourquoi n'éclairez-vous pas la chambre ? Il fait nuit. » « Est-ce cela ?» comme M. Dare le lui mettait dans la main. « Maintenant, écoutez-moi. » Et sa voix prit un accent solennel. « N'oubliez pas de le faire. L'argent mal acquis par injustice, ne profite jamais. Il vous porterait malheur. Donnez-en la moitié à Edgar et faites-lui les excuses et les amitiés de son vieil oncle. Dites-lui que si le passé pouvait revenir, il n'y aurait pas de désunion entre nous. » Il resta, haletant quelques minutes, puis recommença, sans faire attention au papier qu'il avait laissé tomber. « Julia, quand vous verrez la femme d'Edgar, ai-je signé ce papier ? » interrompit-il. « Non, monsieur, voulez-vous le signer ? » « Oui, mais signé ou non, vous agirez également d'après mes ordres. Et ce n'est pas un document légal. Il servira seulement à vous rappeler mes désirs. Soulevez-moi et apportez la lumière. » M. Dare écarta les rideaux et le rayon de la lampe éclairèrent le mourant. M. Dare prit un livre pour y appuyer le papier. « De la lumière !» répéta la voix plaintive. « Julia, pourquoi ne leur dites-vous pas d'apporter la lampe ?»« La lampe est ici, mon oncle, tout près de vous. »« Alors il n'y a pas d'huile » cria-t-il. « Vous avez laissé brûler l'huile, Julia. Je veux de la lumière. » « Dites-leur d'apporter les lampes de la salle à manger, elles éclairent mieux. Ne sonnez pas, allez-y vous-même. » N'osant le contrarier, Madame Dare sortit et revint avec une servante et de la lumière. Ce Cooper était retombé sur son oreiller et sommeillait. « A-t-il signé ?» demanda Madame Dare à son mari. Il secoua négativement la tête en montrant le papier. Elle le prit pour le mettre hors de la portée des yeux indiscrets, le plia et le garda la main. « Il se réveillera tout à l'heure et le signera. » dit M. Dare à l'instant où l'on entendait un léger coup à la porte d'entrée. « C'est le docteur, » dit la servante. « Je le reconnais. » Mais le moribond ne signa jamais ce papier, ne s'y réveilla jamais. Il resta toute la nuit dans cet état de léthargie. M. et Mme Dare ne quittèrent pas son chevet, les domestiques veillèrent, les médecins virent par intervalles, mais il ne changea pas. Quand les premières lueurs de l'aube apparurent, que les voisins ouvrirent leurs fenêtres à la neige et à la froidure, la maison de Richard Cooper resta close. La mort y avait fait son entrée.